Chapitre 30e. Sir Everard était revenu à Fairview plus malade que lorsqu'il l'avait quitté. Le doux climat du littoral de la Méditerranée et les fraîches brises de la mer ne lui avaient pas plus rendu force et santé que le mouvement et le changement de lieu n'étaient parvenus à dissiper son hypocondrie. Un beau jour, il annonça à sa fille qu'il voulait repartir pour l'Angleterre afin de mettre ordre à ses affaires avant de mourir. « Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?» s'écria Dulcie en se jetant au cou de son père. « Il me semblait au contraire que l'air salin vous avait fait le plus grand bien. Non, j'étais déçu dans mes prévisions. Je n'ai rien gagné sous ce rapport à voyager dans le sud de la France et dans le nord de l'Algérie. La vie ne m'a pas semblé plus agréable sous le ciel ensoleillé de l'Afrique que sous le ciel brumeux de l'Angleterre. Je ne compte pas d'ailleurs faire un long séjour à Fairview et, s'il ne vous plaît pas de m'y accompagner, vous pourrez m'attendre à Florence chez des amis qui seraient très heureux de vous recevoir. » Dulcie refusa cette proposition. Avant de mettre à exécution leur projet de retour, il fut convenu qu'ils visiteraient tous les lieux enchanteurs qui se trouvaient situés entre Naples et Turin. Toutefois, le souvenir de Morton, qu'elle devait revoir sous peu, rendait Dulcie indifférente à tout ce qui n'était pas lui. Qu'apprendrait-elle en arrivant à Fairview? Qui sait, peut-être qu'il était fiancé à Lady Frances. De Turin à Fairview, Sir Everard et sa fille ne s'arrêtèrent qu'une fois, à Paris, et pour quelques heures seulement. À peine étaient-ils de retour à Taum, que déjà Sir Everard avait été informé par son majordome de la maladie de Morton. Il fit immédiatement appeler Emma Parr, la femme de chambre de Dulcie, pour lui recommander de n'en rien dire à sa maîtresse. « Miss Courtenay, si bonne, » dit-il à la camériste, « que bien que tout soit fini entre elle et son fiancé, elle n'en serait pas moins au désespoir de le savoir malade. Il vaut mieux lui épargner ce chagrin. Cependant, s'il est à la dernière extrémité, comme on l'affirme, et s'il vient à mourir, il faudra bien que Miss Courtenay le sache. Sans doute, mais d'ici là, il est inutile d'aborder ce sujet avec elle. » Le lendemain matin, après déjeuner, Sir Everard partit en phaéton pour Blatchmardine. Il avait conçu en Italie un plan, dont il s'était promis de poursuivre avec persévérance la réalisation. Le lecteur a déjà compris qu'il s'agissait du mariage de Lord Beville avec Dulcie. Pressentant sa fin prochaine, Sir Everard avait hâte de voir sa fille mariée. Laisser Dulcie sans amis ici-bas, privée par sa faute à lui de l'homme qu'elle aimait, c'était plus que n'en pouvait supporter son cœur de père. « Je ne mourrai tranquille, se disait-il, que si je la sais protégée par un mari dévoué et vraiment digne d'elle. » La route qui sépare Fairview de Blatchmardine ne lui avait jamais encore paru aussi charmante. On était au mois d'avril. Les haies avaient revêtu leur toilette printanière. Les arbres, couverts de fleurs blanches, ressemblaient à d'immenses bouquets de mariés. Les prairies, les bois exhalaient des senteurs délicieuses. Cette nature gracieuse et tranquille avait tant de charme que devant ses simples attraits pâlit le souvenir de toutes les beautés plus sévères et plus grandioses que la mer, l'Algérie, l'Italie avaient successivement fait passer sous les yeux de Sir Everard. Il faut dire aussi qu'il était né à Fairview, et que ces lieux, charmants témoins de ses joies et de ses chagrins, étaient revus par lui à travers le prisme des illusions de la jeunesse envolée. Sir Everard fut introduit dans le salon du château de Blatchmardine par un majordome que les années se chargeaient de poudrer toujours à blanc. Miss Moulton, occupée à parer de fleurs, le salon regardait l'effet des verdures qu'elle venait de disposer dans un immense vase de chine placé près de la porte lorsque Sir Everard entra. « Voilà une surprise, » s'écria-t-elle. « Nous qui vous croyons encore sous les palmiers de l'Algérie. Comment allez-vous, Sir Everard ?»« Je suis encore trop fatigué du voyage pour m'en rendre compte. Mais ne parlons pas de moi, je vous prie. Comment va Lady Frances ? Je suis peut-être indiscret, en me présentant d'aussi bonne heure, mais j'ai une faveur à lui demander. Lady Frances sera toujours heureuse de vous voir, quel que soit le motif qui vous amène. Je vais aller chercher mon élève. Elle est dans le petit bois. » « Merci, Miss Moulton. Je saurai bien la trouver tout seul. Je réclamerai aussi tout à l'heure votre concours dans l'affaire qui m'amène ici. Je vous remercie, dit-elle, de ne pas mettre en doute ma sympathie et mon bon vouloir. Au revoir, Sir Everard. » Miss Moulton suivit d'un œil bienveillant le châtelain de Fairview, qui se dirigeait par la grande avenue vers un taillis longeant un des côtés du parc. « Quel bel homme, se dit-elle à elle-même, quel maintien, quelle belle prestance. « Si j'étais jeune fille, il me plairait, j'en suis sûr, malgré sa cinquantaine. Je me demande d'où peut venir son air sombre et mélancolique. Il est riche, respecté, père d'une jeune fille bonne et charmante. En un mot, il a tout pour être heureux. Seulement, comme le bonheur parfait n'est pas de cette terre, il lui a fallu se créer des chagrins imaginaires. Il se croit atteint d'une maladie mortelle, par cela seul qu'il est plongé dans la lecture des livres de médecine. Voilà du temps bien employé et une science bien utile. Il eût mieux fait d'attendre l'ennemi de pied ferme que d'aller au-devant de lui. Je n'ai jamais compris que la guerre défensive et la médecine préventive. Comme compensation à son manque de fortune, Miss Moulton avait reçu le don d'une douce philosophie, et cette manière d'envisager la destinée du bon côté de la lorgnette la rendait agréable et chère à tous. Sir Everard trouva sans peine Lady Frances. Elle lui tendit la main en s'écriant, comme venait de le faire Miss Moulton, « Comment ? C'est vous, Sir Everard ? Moi qui vous croyais à Alger. Quelle bonne surprise ! Et Dulcie, comment va-t-elle ? Ah, qu'elle a dû souffrir d'être séparée de Morton. C'était vraiment trop cruel. Jusqu'à présent, elle ignore même qu'il a été malade. Comment ? Je veux lui épargner ce chagrin, si c'est possible. Mais il me semble beaucoup plus cruel de votre part de lui cacher la vérité. Si Morton mourait, par exemple, le coup serait 100 fois plus terrible pour elle. Je crois préférable de lui en épargner l'appréhension. D'ailleurs, Lady Frances, je ne veux pas vous laisser plus longtemps ignorer la vérité. Leur engagement est rompu. C'est moi qui ai voulu qu'il en soit ainsi. Mais c'est leur briser leur cœur à tous deux. Ah, maintenant, je ne m'étonne plus de l'étrange maladie dont Morton est atteint. Les médecins l'ont en effet attribué au contre-coup d'un grand chagrin moral. Pourquoi ne pas l'attribuer à ses revers politiques plutôt qu'à un chagrin de cœur ? Dulcie, qui est si tendre, s'est montrée jusqu'ici forte et résignée. Si elle supposait que Morton ait été assez malheureux de cette rupture pour en être tombé malade, il y a tout lieu de croire qu'elle aussi perdrait à son tour courage et santé. Je suis venu vous trouver, chère Lady Frances, pour vous demander une grande, une immense faveur. Celle de venir passer quelque temps avec nous à Fairview. Votre présence ne serait pas moins utile qu'agréable à ma pauvre chère Dulcie. Toutes les séductions du voyage n'ont pu chasser sa mélancolie, mais votre charme, votre entrain, peuvent faire l'impossible. Vous me prenez par surprise, Sir Everard, et si flatté que je sois de la proposition, je n'ose espérer remplir avec succès le rôle qui m'incombe. Je suis affreusement ignorante, et Dulcie sait tant de choses. Elle cultive tous les arts en artiste, et moi je ne sais que monter à cheval comme une écuyère. Je ne pourrais être ni à la hauteur ni à la vôtre. Cependant, si vous désirez sérieusement que j'essaye, dit-elle en le regardant d'un œil ouvert et franc, mais je vous le demande à main jointe, alors vous pouvez compter sur moi. J'irai aujourd'hui même à Fairview, si tel est votre désir. Vous ne viendrez jamais trop tôt. Miss Moulton prendra soin de mon père et dirigera la maison. C'est vrai, tout s'arrange à merveille. Allons, Sir Everard, suivez-moi. Car je dois demander à mon père son autorisation à nos projets. Il ne met jamais obstacle à mes désirs. C'est une simple formule, mais je tiens à lui donner ce facile témoignage de mon respect pour son autorité.